Quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? Il est vrai que vu ainsi, et pour leur mère, il est vrai que vu ainsi, et pour leur mère, il est vrai que vu ainsi, et pour leur mère, et pour leur mère, et pour leur mère, et en quoi cela est-il important? Et en quoi cela est-il important? Et en quoi cela est-il important? Et en quoi cela est-il important? Pas de ça avec moi, James. Depuis quand la justice du magistère s'encombre-t-elle des... Pas de ça avec moi, James. Depuis quand la justice du magistère s'encombre-t-elle de basses considérations? Depuis quand la justice du massi... Funaise, c'est... Depuis quand la justice du magistère s'encombre-t-elle de basses considérations? Ne pas trouver de motif Ne pas trouver de motif d'accusation, cela n'a jamais empêché de remplir les cellules ou de donner du travail au bourreau. Pas de ça avec moi, James. Depuis quand la justice du magistère s'encombre-t-elle de basses considérations? Ne pas trouver de motif d'accusation. Ne pas trouver de motif d'accusation. Punaise! Ne pas trouver de motif d'accusation, cela n'a jamais empêché de remplir les cellules ou de donner du travail au bourreau. Et que savez-vous? Et que savez-vous? Et que savez-vous? Et que savez-vous? Puisque nous avons intercepté un message en héli... Puisque nous avons intercepté un message en hélicitro... En hélicito... Grave. Puisque nous avons interprété... Interprété... Puisque nous avons intercepté un message en hélicitro... Ah! Puisque nous avons intercepté un message en hélicitographe, n'y a-t-il aucun moyen de localiser... N'y a-t-il aucun moyen de localiser le lieu d'émission du signal électromagnétique? Puisque nous avons intercepté un message en hélicitographe... Punaise. Puisque nous avons intercepté un message en hélicitographe, n'y a-t-il aucun moyen de localiser le lieu d'émission Ah, punaise. J'ai oublié la moitié du... N'y a-t-il aucun moyen de localiser les... N'y a-t-il aucun moyen de localiser le lieu d'émission du signal électromagnétique? N'y a-t-il aucun moyen de localiser le lieu d'émission du signal... Punaise. N'y a-t-il aucun moyen de localiser le lieu d'émission du signal électromagnétique? J'espère qu'il y en a une qui était bien...